Pourquoi le théologico-politique? Au cœur du XVIIe siècle, il y a un philosophe qui est à la fois célèbre très rapidement dans le monde entier. Son nom circule comme une traînée de poudre et en même temps critiqué, controversé. Et cette traînée de poudre allume en quelque sorte un incendie. Il est célèbre pour deux grands livres dont le plus virulent à l'époque n'est pas celui qui est le plus célèbre aujourd'hui, c'est Spinoza. Spinoza qui a écrit une éthique, démontré More Geometrico, mais aussi en entre autres livres, un traité théologico-politique, Tractatus Theologico-Politicus, dont le nom et le contenu n'ont pas fini de faire couler de l'encre. Encore aujourd'hui, on parle beaucoup du théologico-politique. Voilà encore une invention philosophique, celle de Spinoza. Pourquoi donc ce livre était-il si brûlant? Quel est le rapport aussi entre ces deux livres, entre l'éthique démontrée géométriquement et le traité théologico-politique? La réponse est simple, et le lien entre ces deux livres doit déjà nous donner une indication. Quelle est cette indication? C'est que la religion, le théologique, pour Spinoza, n'est pas du côté de l'éthique ou de la métaphysique, qui doit être plutôt pensée comme une réflexion scientifique avec les mathématiques et la géométrie comme modèle, mais du côté du politique. Voilà en quelque sorte le grand partage. Voilà peut-être le scandale. C'est que la théologie n'est pas là pour nous révéler la vérité ultime sur l'être et sur Dieu en particulier, qui relève de la philosophie avec la célèbre définition de Dieu à la proposition 11 de l'éthique. Dieu comme substance, Deus sive natura, Dieu ou la nature pour le philosophe, mais la religion est du côté de la politique, ce qui peut surprendre puisque dans le traité théologico-politique, Spinoza veut malgré tout les séparer, veut défendre en particulier la liberté de penser philosophiquement aussi dans le cadre de la cité politique. Mais le lien est pourtant très profond et très fort et il ne faut pas le sous-estimer et le minimiser. Quelle est la thèse de Spinoza? C'est que le but de la religion, comme celui de la politique, est en fait de régler les comportements humains, de répondre à la peur et au malheur humain en nous conduisant vers la vertu individuelle et la paix civile. Le traité théologico-politique ne réduit pas la religion à une fonction politique, ne la sépare pas non plus de la cité, mais au contraire lui donne une fonction pratique fondamentale. Elle n'a pas pour but la vérité, la religion, mais elle a pour but de régler nos pratiques, un but moral, de nous faire atteindre à la vertu, là où la philosophie doit reconnaître que la pensée pure rencontre de grands obstacles. Dès lors, il y a quelque chose comme un scandale aux yeux des théologiens, puisque la théologie ne peut pas lutter avec la philosophie sur la vérité, mais aussi une préservation d'un rôle fondamental de la religion, quelle qu'elle soit, qui est de conduire à la vertu et qui doit être à la fois distincte du politique et articulée à lui pour procurer la paix civile. Et si l'on ajoute que la métaphysique de Spinoza nous reconduit à une dimension certes singulière, et chaque philosophie a la sienne, du rapport à l'absolu et à Dieu, à cet amour intellectuel de Dieu par lequel Spinoza définit la béatitude, on se rendra compte que le but commun de la philosophie, de la religion et de la politique, c'est de lutter contre un même adversaire, la peur, la passion négative, la tristesse, le malheur des hommes, et qu'il y faut bien ces trois alliés, la philosophie appuyée sur les mathématiques, la religion qui pense la vertu et la justice, et la politique qui préserve la paix civile et qui permet la liberté de penser pour accéder au bonheur humain.